L'âme du téméraire était une forêt peuplée d'arbres géants et de fourrés secrets, avec de grands chemins tous tracés sans règles, où par-dessus volaient jusqu'au soleil les aigles. L'impatience éprenait toute sa volonté, il fermentait d'orgueil et d'intrépidité. Il taillait le monde à coups de glaive, d'après les images que lui sculptaient ses rêves. Il combattait lui-même et méprisait les pieds. Il n'était pas rusé, ne savait louvoyer. Pas plus de mots subtils que de belles harangues. Le bruit et la fureur étaient les mots de sa langue. Partout où guerroyait ce duc de pourpré d'or, jusqu'en Savoie au sud, en rasant Liège au nord. Son armée de reîtres et de soudards semait la terreur sous son étendard. Il était déjà comte et duc, se voyait bientôt roi. Il allait subjuguer l'Europe et imposer sa loi. Mais le très rusé Louis de France tarissait torrent d'espérance. Vous l'avez vu pleurant d'orgueil et de rage, mais n'ayant rien perdu du feu de son courage. Vous l'avez vu déchu, se tenant pourtant droit, confiant jusqu'à la fin dans sa folie, dans sa foi. Vous avez vu enfin, abandonné de tous, en Lorraine son cadavre, dévoré par les loups, les crocs qui le mordaient, dans la neige et les ronces, montrer l'acharnement du roi de France Louis XI. Il était déjà comte et duc, se voyait bientôt roi. Il allait subjuguer l'Europe et imposer sa loi. Mais le très rusé Louis de France tarissait torrent d'espérance.